bien pour cette troisième et dernière partie de ce premier podcast anonyme. Exactement. Je suis rejoint par l'ami Laurent, notre technicien en chef. C'est ça. Qui va nous présenter un jeu de super-héros assez peu connu en France qui s'appelle... Capcom and Villain 4, qui est un nom hyper compliqué. Oui. On va peut-être l'appeler CCVF, ça ne dérange pas. Ça me paraît très bien. Ça sera plus simple. Alors, c'est un jeu, comme vous pouvez voir, la table a disparu, le jeu aussi. Bon, en fait, c'est un jeu que je n'ai qu'en PDF, que j'ai acheté chez DriveThru. Mais, en fait, on peut savoir déjà que c'est un petit format, tout en couleur, et avec assez bien illustré. Donc, en fait, il est nickel pour ce petit éditeur qui est Spectrum Games. Alors, pour parler de ce jeu, la chose la plus simple, c'est de parler, en fait, un petit peu de l'éditeur. Ouais. Spectrum Games, ils sont spécialisés dans un style de jeu qui, pour eux, ce qu'ils font, c'est l'émulation. Donc l'émulation, en fait, c'est ils adorent faire des jeux qui émulent souvent des séries télé ou des genres qui peuvent être des genres cinématographiques comme des genres littéraires. Et là, ce qui nous intéresse, c'est un média qui est le comics. Tout à fait. Donc c'est un jeu, effectivement, par un petit éditeur. Pas très connu parce qu'il est sorti aussi en même temps que Marvel, chez Margaret Weiss, le Marvel Cortex. Donc il est sorti un petit peu en même temps et forcément le Marvel Cortex lui a fait de l'ombre. Ouais. Voilà. C'est un jeu assez particulier. Ses particularités sont c'est assez paradoxal, c'est un jeu un peu compliqué à lire. C'est un jeu qui n'est pas toujours très bien organisé. Il est bien présenté, mais pas toujours très bien organisé. Et je dois avouer que j'ai dû m'y reprendre à deux fois, peut-être, pour vraiment entrer dedans. Donc ça, je pense que les gens doivent le savoir. Il faut vraiment, en fait, se faire un petit peu violence pour entrer dedans. Mais est-ce que ça vaut le coup? Alors moi, je trouve sincèrement que ça vaut le coup. J'adore... j'adore les comics, mais j'adore les jeux de rôle en fait, spécialisés sur le super-héros ou sur le crétin en tenue spandex, comme on veut, ça dépend. j'adore, j'en ai plusieurs, j'en ai maîtrisé énormément. Et je dois avouer que c'est un des rares en fait, qui m'a donné plaisir vraiment en tant que MJ. Et j'ai ressenti aussi autour de la table le fait que tout le monde était complètement absorbé par ce jeu et qu'on était vraiment en fait dans l'émulation de ce média de comics. Alors ce qu'il a de particulier, c'est qu'en fait quand je parle d'émulation de comics, je parle étrangement de dramaturgie. La dramaturgie du comics, elle est simple, c'est comment un personnage comme Batman peut se retrouver dans une équipe où il y a Wonder Woman, Superman et des gens hyper puissants. C'est comment un personnage comme Spider-Man peut venir à bout de Hulk sans forcément user de force, mais plutôt en usant de son astuce ou de son franc-parler. Donc ça veut dire que c'est un jeu qui fait abstraction des niveaux de puissance, on pourrait appeler ça comme ça. Oui. Donc on peut avoir dans la même équipe, on peut avoir un personnage qui ressemble à Superman, un autre qui ressemble à Daredevil, et tous affrontent, Thanos, et ça marche. Et c'est possible de le vaincre. Donc ça, je trouve que c'est une grande particularité du jeu. Il fonctionne avec des dés 12. C'est bien d'en avoir 4-5 par personne, à peu près. C'est la même chose pour les MJ. Et surtout, en fait, tout est, je pourrais dire, quantifié en fait, par des capacités. On appelle ça comme ça. Et donc, les capacités représentent... on choisit, en fait, c'est très libre au niveau création, on choisit les capacités qui représentent le plus son personnage. Alors ça peut être des capacités comme athlète émérite, expert en kung-fu, mais les capacités peuvent représenter un pouvoir. Ça peut aussi représenter quelque chose qui est lié, je dirais, à la dramaturgie du comics. On va pas se leurrer, les héroïnes sont toujours dans des costumes assez affriolants, etc. Et en fait, être captivante ou hyper belle dans son costume, ça peut être une capacité. Ça peut venir en jeu à un moment donné pour défaire un ennemi, ou ça peut servir aussi pour charmer quelqu'un. Donc chacune de ces capacités, elles doivent être, elles sont parfois, c'est un peu général, et en même temps elles doivent être très précises, car elles permettent en fait de, j'ai envie de dire encore une fois d'émuler plusieurs choses sous une même capacité. Donc voilà, et le principe c'est que chaque capacité a un niveau de 1 à 12 à peu près, en sachant que 1 à 4 c'est le niveau humain mais expert humain, que qu'on arrive à 5-6, on commence à être un vrai, on est le justicier masqué, peut-être sans pouvoir, et au-delà, en fait, on est le super-héros, et arrivé à 9-12, on arrive au côté un peu divin ou cosmique, on va dire ça comme ça. Le jeu est finalement très très simple, je prends une capacité, je prends un des 12, je lance, et je dois battre une difficulté de base, ou alors le MJ, si je suis opposé à quelqu'un d'autre, le MJ fait la même chose, il prend une capacité de l'opposant, il y a un des 12. Mais à cela, forcément, cette facilité, viennent s'ajouter certaines particularités, à savoir que j'utilise cette capacité, mais je peux utiliser deux autres capacités qui viennent en aide à la première. Et en fonction de ça, il y a un léger calcul qui est déjà en fait sur sa feuille, et ça me donne des bonus. Donc autant utiliser, je ne sais pas, ma capacité super force, si je l'utilise, autant en fait, eux ils appellent ça lié. Donc lié à cette capacité, la capacité expert au combat et vol supersonique pour pouvoir donner un grand coup de poing à mon opposant et l'envoyer val d'un en détruire des buildings. Oui, ça c'est Zack Snyder qui fait ça dans ce film. Mais voilà en fait ce que je peux faire. D'accord. Alors ça a l'air effectivement bien, mais si je décide d'avoir une capacité... invulnérable. C'est facile de l'utiliser tout le temps et de ne jamais perdre. Non, parce qu'en fait, ta capacité invulnérable, elle va juste te servir à peut-être encaisser un coup, mais les autres vont toujours un peu tourner autour de cette capacité. Ou alors, ça c'est en fait les dons de chaque joueur, en fait, d'essayer de trouver des plans. Mais ce qui est en fait émulé là-dedans, c'est en fait l'épuisement, quelque part, de ta capacité. Plus tu l'utilises, plus en fait, quelque part, en fait, tu vas l'épuiser. Donc, ce sont en fait des bonus-malus qui arrivent à la création de personnages. Tu choisis, par exemple, que invulnérabilité, plus tu l'utilises, plus en fait, ça va baisser. Ça va être un malus, plus tu vas t'épuiser. Si tu as un équipement, c'est la même chose. Plus ça baisse, plus ça veut dire que en fait tu es en train de venir à la fin de tes au bout de tes comme munitions. L'énergie d'Iron Man qui s'épuiserait au fur et à mesure de l'utilisation. Et si c'était en fait tout d'un coup vengeance, une capacité vengeance, bah, ça va être le contraire. Elle commence tout doucement, mais peut-être qu'elle va monter en grade, parce que c'est ça, c'est la vengeance, c'est la colère qui monte. Jusqu'à ce que ça explose forcément. Alors comment est-ce que ça marche? C'est très simple. Sur chaque capacité, c'est indiqué si elle diminue ou si elle augmente. Et tout simplement, en fait, quand ça diminue, plutôt que de lancer un des 12, on en lance peut-être 2, voire 3, et on choisit le plus mauvais. D'accord. Voilà. Et si c'est une capacité qui augmente, pareil, on lance 1, 2, 3 des 12, et on choisit le meilleur. Et voilà. Et on note, en fait, à chaque fois les utilisations. Il y a un moment donné où, forcément, plus on l'utilise, plus ça va baisser, quoi. Et ça permet en fait au jeu de ne pas souffrir. D'autres jeux de super-héros en souffrent justement du côté invulnérable, où c'est impossible d'en venir à bout. Je pense au très vieux Marvel, le jeu de super-héros Marvel, le tout premier de TSR. C'était ça, c'est impossible d'en venir à bout. Icons, qui est en fait... un peu le même jeu déguisé. Oui, qui est un peu le même jeu déguisé, souffre vraiment du même défaut. Et ça, on a fait des parties et c'est vrai qu'on n'en vient pas à bout. Alors qu'avec CCVF, ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de points de vie. Et il y a un système très simple, c'est qu'en fait, les points de vie sont juste 4 pions. On va appeler ça comme ça. Ils appellent ça des setback tokens. Donc, c'est quatre à cocher. Et en fait, c'est notre réserve, notre jauge en fait, d'énergie, de morale, de vie, de matériel, enfin bref, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois qu'en fait, on perd, on en coche un. Et quand on n'en a plus, on est out. Voilà, c'est juste ça. Très bien. Bah, écoute, je pourrais dire que ça a l'air très intéressant, mais je le sais déjà, puisque je fais partie des joueurs qui ont été convaincus à ta table. C'est vraiment un système de jeu qui allie le côté très libre de ce qu'on peut faire ce qu'on veut, et une gestion de ressources très précise, très ludique, exactement, qui est vraiment très intéressante. C'est ça qui est assez chouette. Pour ceux qui aimeraient des références, en fait, au niveau des capacités et de ce côté... la narration par rapport à ces capacités, c'est ce qui a été développé sur Hero Wars et Hero Quest, un peu plus tard. Et pour la gestion des ressources, c'est vrai qu'on est dans, On est en fait dans un jeu. C'est pas du jeu de plateau, mais c'est vrai que tout d'un coup, sur quelque chose de narratif, un petit peu narratif, de très très libre, il y a cette gestion qui rajoute, ça c'est important, énormément de suspense autour de la table. Et un côté très tactique. Ah, mais complètement, il y a un côté très tactique. Et ça marche du tonnerre, et c'est un peu dommage que le jeu n'ait pas eu en fait le succès escompté, parce que en fait on ne peut compter que sur le jeu. Je crois qu'il y a un supplément de super vilain ou quelque chose comme ça, et c'est tout. Mmh. Voilà. Dans le côté, je finis juste sur le côté un peu négatif du jeu. J'ai parlé un peu de la mise en place des règles qui sont situées un peu à droite à gauche. Mmh. C'est aussi un jeu super-héros généraliste, dans le sens où il n'y a pas d'univers. Mmh. Il n'y a pas d'univers, c'est à nous de le mettre. Et les personnages proposés, parfois de super-héros, ne sont pas toujours top. Ils sont marrants, mais pas vraiment top. Ouais. Donc il va falloir, en fait, relever les manches et travailler dessus, quoi. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, merci Laurent. Okay. J'espère que ça vous a plu pour ce premier podcast anonyme. Et à la prochaine. À la prochaine.